Depuis tout petit, je me baigne dans l'acide. Une seule loi, mais va te faire foutre, c'est moi qui décide. Sache que j'ai toujours dernier mot quand il s'agit de pourrir. Yo, si quelqu'un rit, tout le monde va mourir. J'ai pas de personne, la gloire sonne. Si mon heure sonne, au front y'aura personne. Fais pas le fou, yo. Srap, tu parles les coups, pas ta pète les couilles. Celui qui casse, on lui tord le cou. Ça vaut le coup, non. Donc shoot dans l'assemblée. Et que l'ennemi soit étranglé. Faut de la bravoure, t'y crois pas, moi si. Touche pas mon gang si t'es noisy. J'ai que ça paye, donc j'exécute. Yo, si je fais une poche, mais les gros culs, c'est que j'ai les gros chutes. J'suis pas prêt à bouffer le ciment. Toujours en guerre sans remerciement. Y'a tout bas, ça pue le massacre. Sur terre sacrée, chaud des têtes. Jamais j'échoue, même si sacré. Des dégâts, la pompette, la mort est ancrée. Mais sache que l'honneur est sacré. Ça pue le massacre. Sur terre sacrée, chaud des têtes. Jamais j'échoue, même si sacré. Des dégâts, la pompette, la mort est ancrée. Mais sache que l'honneur est sacré. Je meurs stagne. J'ai la bonne touche, perds pas le nord. Si un train t'inquiète, les couches. Un fugitif aux pensées furtives, bloqué dans le néant. Mes repères, les putains, elles sont brillantes. De manière insolente, j'ai un boycott toutes ces petites garces. Mais ferme ta gueule, au moins je fais pas de farce. J'ai subi des tonnes de morsures, de farce ou dans le dos. J'apporte la mort dans mon sac à dos. Un nouveau fercé, divers marques, point fercé. Mon point se lève si des larmes sont versées. Toujours en paix pour un son bad game. Très peu d'amour, ici on se libère juste après la mort. Dis-toi que c'est pas de ma faute si je pense comme Belzébuth. Dans 3 secondes, finis mon 7 et puis j'te bute. Ça pue le massacre. Sur terre sacrée, chaud des têtes. Jamais j'échoue, même si sacré. Des dégâts, la bombette, la mort est ancrée. Mais sache que l'honneur est sacré. Ça pue le massacre. Sur terre sacrée, chaud des têtes. Jamais j'échoue, même si sacré. Des dégâts, la bombette, la mort est ancrée. Mais sache que l'honneur est sacré. Jean, y'a tout pas. L'art de la guerre, frère, armure et musique.